Homme cruel. C'est une arme avec laquelle tu auras mon arrière-petit-fils. Il laissera dans un grenier en 2056. L'homme a créé le champignon. Shiraza Nagasaki, le full power qui te tuera en Z1000 Kawasaki. On se baisse tour à tour avec la technologie. Pour se montrer ou simplement parce qu'on cherche trop le fric. C'est ça conduit des engins, se rend pas compte des enjeux. On se qu'à faire des envieux et se la pète sur le compte du frangin. Elle tue la tchatche pour la tringler avec des propos flatteurs. Quand ma frec, oui, vidé, ça jouera le provocateur. T'es de ces faux qui clavent. Voque la violence en Palestine qui au quartier. Cela raconte de posséder une carabine. Hypocrisie des politiques qui ferment les yeux sur ce qui ne va pas. Pas le temps de débattre sur les déboires des Congolais de Kinshasa. T'inquiète pas, on sait tous qu'on est tous de passage. On peut faire grailler un pays pour le prix d'un transfert au Barça. Un monde de ouf, ça tire à la calache. Les gens sont tous malades pour une carnasse à ce canard. Apologie du crime, fait du SNES dans les armes. Le mauvais œil nous guette pour une escale dans les flammes. Un monde de ouf, ça tire à la calache. Les gens sont tous malades pour une carnasse à ce canard. Apologie du crime, fait du SNES dans les armes. Le mauvais œil nous guette pour une escale dans les flammes. Les frères font pas de fresh kiss, que du porno hard. Une vérité, pas une rumeur, l'amour est mort, on se crame. Ça veut plus y croire, car y'a le retour de flamme. Je résume le sexe à un appart, 5 mecs et 2 femmes. 2 jeunes sur 3 fument de la résine. 1 jeune sur 5 nique de la poudre. Les poules tag, ils shampoo. Ça suce cool, comme banque de ouf. Dans l'alcool, on aime se noyer, attiré par les pétards. Ailleurs, ils ont pas l'eau potable et aimeraient pouvoir boire la table. Quand tu parles d'aller au charbon, tu sais pas ce que c'est de travailler. Claque ton bise en parallèle, mais d'abord paye ton loyer. Laisse pas crever tes gosses comme tes bouffons dans les placards. Tente pas une TS au gaz pour que tes voisins claquent dans la guerre. Je veux qu'on torture les pédophiles qui tuent des petits en les noyant. Dans 10 piges, tous on se butera parce que j'ai en prévoyance. La réussite des miens face à l'échec des vôtres. Une guerre vers 2020 cause du trucage des votes. Un monde de ouf, ça tire à la calache. Les gens sont tous malades pour une carnasse à ce canard. Apologie du crime, fait du SNES dans les armes. Le mauvais œil nous guette pour une escale dans les flammes. Un monde de ouf, ça tire à la calache. Les gens sont tous malades pour une carnasse à ce canard. Apologie du crime, fait du SNES dans les armes. Le mauvais œil nous guette pour une escale dans les flammes. Ça tire à la calache, les gens sont tous malades pour une carnasse à ce canard. Apologie du crime, fait du SNES dans les armes. Le mauvais œil nous guette pour une escale dans les flammes. Un monde de ouf, ça tire à la calache. Les gens sont tous malades pour une carnasse à ce canard. Apologie du crime, fait du SNES dans les armes. Le mauvais œil nous guette pour une escale dans les flammes.